À l'occasion du 22e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, le comité suisse-coréen, l'administrateur général du groupe de l'investissement général de l'Italie, le président de l'association d'amitié Nigeria-Corée, la famille de Dian Weihua, martyr révolutionnaire chinois anti-japonais, ont fait parvenir les corbeilles de fleurs devant les statues en bronze des grands leaders Kim Il-sung et Kim Jong-il sur la colline Mansu. Les corbeilles de fleurs y sont déposées le 7 courant.